Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une aventure en haute mer qui vire en cauchemar. Le 22 novembre 1992, sur la plage des Sables d'Olonne, plusieurs dizaines de milliers de personnes assistent au départ de la mythique et spectaculaire course du Vendée Globe. Pur par ses règles, technique par son engagement, et enfin hors norme par son parcours, cette compétition fait rêver amateurs et passionnés de voile partout à travers le monde. Seuls sur leur bateau, les skippers vont devoir braver les vents contraires et les tempêtes de l'océan Atlantique pour ensuite changer l'hémisphère, passer le cap de Bonne-Espérance, traverser l'océan Indien puis l'océan Pacifique, affronter les 40e rugissants et les 50e hurlants, saluer le cap Horn avant de pouvoir enfin, et si tout va bien, remonter vers l'Europe direction les Sables d'Olonne quelques mois plus tard. Après le formidable succès de la première édition, 3 ans plus tôt, le Vendée Globe incarne pour les marins la course ultime. Chacun rêve d'aller au bout pour inscrire son nom sur la courte liste des navigateurs qui ont réussi un tour du monde en solitaire sans escale ni assistance. Bien, c'est bon voilà, pour cette édition 92, c'est comme si toutes les avaries et drames possibles du parcours s'étaient donné rendez-vous. Notre invité aujourd'hui, le docteur Jean-Yves Chauve, médecin de la course du Vendée Globe depuis la première édition en 1989. Il les a toutes vécues, il nous livrera son témoignage. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Port des Sables d'Olonne, samedi 21 novembre 1992, il est un peu plus de 10h. Au PC Course du Vendée Globe, le directeur de l'organisation, Philippe Gentot, échange au téléphone avec ce correspondant de Météo France. Ce matin, une pluie fine s'abat sur tout le littoral atlantique. Un vent de force 4-5 balaye les plages du département de Vendée. Au loin, la mer est agitée, rassurez-vous, lui dit le prévisionniste. Demain, le soleil sera au rendez-vous pour le départ de la course. Une poignée de minutes plus tard, ciré sur le dos, Philippe Gentot ressort et se dirige vers les pontons d'Olonna, là où sont amarrés les bateaux des concurrents d'épreuve. Marin expérimenté, passionné, Gentot incarne à lui seul les ambitions du Vendée Globe. Il entend en faire la digne héritière du mythique Golden Globe Challenge, une compétition britannique des années 60. Pour cette deuxième édition française, 3 ans après celle de 1989, le pari est en passe d'être réussi. 14 monocoques avec à leur bord les meilleurs skippers sont sur les rangs. Le Vendée Globe impose à chacun des navigateurs un tour du monde en solitaire, donc de plus de 47 000 km en passant par les trois caps. Bonne-Espérance en Afrique du Sud, Lewin en Australie et enfin le terrible cap Horn à la pointe de l'Amérique du Sud. Un parcours rempli de pièges et d'imprévus, le tout sur une autoroute de la mer sans péage ni balise et sans aucune limite de vitesse ni même de cap. Seule contrainte pour nos 14 marins, les capacités techniques de leurs machines et leur talent pour dompter une météo parfois capricieuse, souvent dantesque. Au micro du journaliste Pierre-Louis Castelli de France Inter, Philippe Gentot, le directeur de la course, évoque l'aventure et le défi que représente cette compétition, parfois surnommée l'Everest des mers. Je crois qu'il y a un plateau superbe, les bateaux sont magnifiques, donc moi en tant qu'ordinateur, je suis très content. Quand les marins disent que c'est la plus belle course du monde. C'est l'Everest des mers, c'est la course la plus pure. En plus, avec les quelques modifications qu'on a faites dans le règlement, c'est-à-dire il n'y a plus de routage, donc là c'est encore, je dirais, donner plus de force aux marins, plus de responsabilité. On augmente la sécurité en empêchant les bateaux d'aller trop bas vers les icebergs. Non, je crois que c'est effectivement un parcours superbe, et puis en plus un esprit qui reste très très bon, parce que tous les coureurs viennent là pour gagner, hein, comme tout le monde, mais ils savent que par rapport aux autres courses, il y a quelque chose en plus, c'est l'aventure, le défi, etc. Et ça, c'est quand même bien de le ressentir auprès des coureurs. Ce matin, sur les pontons d'Olonna, plusieurs centaines de curieux se pressent pour observer et photographier les bateaux avant leur départ. Dernier réglage et dernier préparatif pour les marins. Au premier plan, on aperçoit Fleury Michon, le voilier du navigateur Philippe Poupon. Juste derrière, il y a la coque rouge de groupe Sopap, avec le pont sur le pont, son skipper, Jean-Luc Vandenède. Derrière encore, on distingue le fugicolore de Loïc Perron et le bagage supérieur d'Alain Gauthier. Quatre navires, neufs ou rénovés, pour quatre récidivistes de l'épreuve. Quatre hommes qui, compte tenu de leur expérience, font figure de favoris. À ce premier groupe s'ajoutent des outsiders, bien décidés eux aussi à tirer leur épingle du jeu. Yves Parlier sur Cacolac d'Aquitaine, Bertrand de Brock sur Groupe LG, le franco-suisse Bernard Gallet sur Vernet. Mais il y a aussi des amateurs expérimentés comme Jean-Yves Asselin ou comme l'anglais Nigel Burgess. Parmi eux, les plus téméraires rêvent peut-être déjà de battre le record de l'épreuve, 109 jours, 8 heures et 48 minutes établis par le premier vainqueur, Titouan Lamazou. Loin de l'euphorie et de l'excitation qui anime le public et les commentateurs, à tout juste quelques mètres de là, une place reste désespérément vide le long du ponton. Depuis plus de deux semaines, un 15e bateau manque à l'appel. C'est Duracell qui pose un lapin. L'Américain Mike Plant, parti de New York en solitaire, devrait rallier les Sables d'Olonne afin d'y prendre le départ de la course. Or, après quelques jours de navigation, il avait signalé à un cargo croisé au large de Terre-Neuve qu'il était en panne de groupe électrogène et qu'il ne pouvait plus utiliser sa radio ni son pilote automatique. Depuis, le marin n'a plus donné aucune nouvelle. Ce matin, à la capitainerie du port des Sables d'Olonne, le chef Jacques Archambault appelle le Cross d'Etel pour un point sur l'avancée des recherches. Oui, le Cross d'Etel ? Oui, bonjour, port de plaisance des Sables d'Olonne. Est-ce que je peux voir le chef de car ? Bon, ben, les recherches actuellement se poursuivent, hein, du côté américain, par les US Coast Guard, hein, c'est notre équivalent. C'est actuellement un C-130 qui parcourt une zone déterminée par l'US Coast Guard. Selon les informations dont disposent les gardes-côtes américains, Mike Plant a vraisemblablement émis un appel de détresse à quelques 800 000 nautiques au nord-est des Bermudes. Ce qui démontre qu'il se serait dérouté. Pour le moment, on ne connaît pas les difficultés que rencontre le navigateur. Ce que l'on sait, c'est que la zone de recherche pour retrouver son bateau est gigantesque. Elle s'étend sur plus de 350 000 km². Sur la jetée des Sables d'Olonne, Hélène Plante, la femme du navigateur, scrute l'horizon à la jumelle, jour après jour. Fébrile, elle veut croire que son mari va bien et qu'il arrivera à temps pour prendre le départ de la course. Il y a toujours de l'espoir. Mike est très fort, il est très compétent. Il a beaucoup bourlingué et il a toujours été capable de s'en sortir. Je suis sûre qu'il fera le maximum, il ne quittera pas son bateau. Ce bateau, c'est tout ce que nous avons. Je suis certaine qu'il le ramènera à quai, ainsi que lui-même. Le lendemain, dimanche 22 novembre, il est un peu plus de 13h30. Dans le ciel au-dessus des côtes vendéennes, le soleil domine pour l'instant. Le vent est au rendez-vous. Là où il est modéré, les conditions sont optimales pour naviguer. Au large du port des Sables d'Olonne, un navire militaire de la Marine nationale stationne. En face de sa proue, à plus de 350 mètres, on distingue une large bouée. À eux deux, ils font office de ligne de départ. Non loin de là, chacun sur son voilier, les 14 skippers du Vendée Globe s'en approchent à allure réduite. L'objectif, c'est être le plus près possible de cette ligne, invisible au moment du top départ, mais ne surtout pas la dépasser, au risque de devoir effectuer un tour de pénalité. Sur les images diffusées par hélicoptère, celui de l'organisation, on aperçoit une multitude de petits bateaux de plaisance à moteur et de gros bateaux de pêche qui entourent les monocoques. Sur le canal de la VHF, les échanges entre plaisanciers, marins, pêcheurs et concurrents sont très tendus. Tout le monde profite de l'événement pour manifester son mécontentement sur la réforme d'aménagement du port des Sables d'Olonne. Sur France 3, les journalistes Georges Pernoux et Loïc Etevenard s'inquiètent de la présence d'un si grand nombre de navires dans un si petit périmètre. On court tout droit à l'accident avec les concurrents de la course. Ils sont inconscients, lance-t-il au micro. À plusieurs reprises, en effet, on frôle le drame. Et il faut par exemple à Loïc Perron et Jean-Luc Vandenède user d'un talent d'équilibriste pour réussir à se frayer un passage sans heurter les autres embarcations. La situation est donc très confuse lorsqu'à 14h, le top départ est donné en direct sur France 3. 5, 4, 3, 2, 1, départ. Le départ a été donné officiellement là par le comité de course. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, Georges. Oui, Bernard. J'ai vu quelques concurrents, notamment Yves Parlier de Cacolac d'Aquitaine, deux, trois autres également qui n'avaient pas encore hissé leur voile d'avant, donc qui n'étaient manifestement pas prêts à prendre un départ dans des conditions, dirons-nous, de confusion qui règne en ce moment sur la ligne. Mais d'autres ont quand même décidé de prendre le départ. Profitant du barrage des navires de pêche sur certains de leurs concurrents, Philippe Poupon et Alain Gauthier réalisent un départ spectaculaire. Les deux navigateurs sont imités beaucoup plus au large par Loïc Perron et Yves Parlier. Juste derrière, en embuscade, on trouve Vandenède et De Broc. Dans leur sillage, le reste des concurrents tentent de progresser et d'éviter les obstacles. À mesure que les voiliers prennent de la vitesse pour atteindre une allure de 20 nœuds, l'escorte des petits bateaux de plaisance abandonne la poursuite. Les gros navires de pêche, eux, sont déjà loin. Seul l'hélicoptère de l'organisation accompagne la flotte des skippers. En face des monocoques, les portes de l'océan Atlantique s'ouvrent et c'est parti pour 3 mois d'aventure et de course en solitaire. Au même moment, au PC Course des Sables d'Olonne, Philippe Gentot affiche une mine satisfaite. Malgré les perturbations des pêcheurs, le départ de la course a eu lieu dans les temps et il n'y a pas eu de casse matérielle. Mais pour l'organisateur du Vendée Globe, l'euphorie du départ va être de courte durée. Quelques minutes plus tard, on transmet à Philippe Gentot une nouvelle dramatique. Quelque part, au nord de l'archipel des Açores, dans l'océan Atlantique, un cargo vient de repérer l'épave retournée du monocoque de Mike Plant. Dépêché sur place, la marine britannique découvre le canot de sauvetage du navigateur, vide. Mike Plant, lui, est introuvable. Le navigateur, qui devait fêter ses 43 ans la veille du départ, a bel et bien disparu en mer. Les recherches se poursuivent, bien sûr, mais l'espoir de le retrouver vivant est vain. La nouvelle de la disparition de Mike Plant se propage rapidement chez les autres skippers du Vendée Globe. Malgré la barrière de la langue, l'Américain était une figure appréciée, respectée. Ce drame sonne comme une prise de conscience et rappelle à chacun des concurrents les dangers de la course en mer. Pour autant, l'épreuve doit continuer. En fin de journée, Alain Gauthier pointe en tête du classement. L'ensemble des monocoques se tient pour le moment dans un mouchoir de poche. Il reste à nos 14 solitaires, 3 océans et 3 caps pour se départager. Mais déjà, certains d'entre eux font face à l'un des impondérables de l'épreuve, la rencontre avec des cargos. Victime d'une grosse frayeur, le skipper de groupe LG, Bertrand De Broc, témoigne. C'était un gros cargo qui s'est passé à 300 mètres de moi. J'ai l'impression qu'il avait fait exprès. Il m'avait vu en tête de moi. Il a dû faire un détour. Il m'a fait d'une petite houle sympathique, cet enfoiré. Mais bon. Trois jours plus tard, jeudi 26 novembre 1992. L'écran de contrôle du PC Course du Vendée Globe affiche 4h du matin. Au centre d'échange radio de l'organisation, rapatrié sous le musée de la Marine à Paris, Philippe Gentot a le regard grave. Là-bas, au large, dans le golfe de Gascogne, les concurrents de la course sont pris dans une violente tempête. Obligés de progresser contre des vents de plus de 55 nœuds, ce qui dépasse tout de même les 100 km/h, sur une mer hachée, très courte, les navigateurs mènent une lutte de tous les instants pour éviter la catastrophe. La veille, les messages inquiétants se succèdent déjà sur l'écran du Telex. Il y a de la casse sur les voiliers et les dégâts sont sérieux. Parmi les victimes, Yves Parlier, qui a dématé, Thierry Arnaud, qui a ses drisses et ses écoutes cassées, l'Italien Vittorio Malingri, dont une cloison de ballast s'est déchirée. Philippe Poupon, lui, lutte contre une voie d'eau à cause de boulons de quilles desserrés. Jean-Luc Vandenède se démène avec l'axe qui fixait au banc brisé. Enfin, Loïc Perron voit sa coque bâbord abîmée sur plus de 4 mètres, ce qui provoque une importante voie d'eau. À ces dégâts matériels s'ajoute le risque pour la vie de l'un des skippers engagés. Quelques heures plus tôt, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, le CROSS, Tettel, avait alerté la direction de la course que le Britannique Nigel Burgess venait de déclencher ses balises de détresse. Derrière la vitre du PC course, les heures passent et la tension grimpe d'un cran. Philippe Gentot ne dispose pour le moment que de très peu d'informations. Dehors, les journalistes s'impatientent. Lorsqu'enfin, en milieu de journée, le directeur de course du Vendée Globe sort de son silence. D'une voix solennelle, il annonce que beaucoup redoutaient, Nigel Burgess a été retrouvé mort, noyé. Ce matin, donc à 4h du matin, donc il y a une liaison qui a été faite. Un hélicoptère super frelon donc a survolé donc le voilier de Nigel Burgess. Des plongeurs sont allés à bord. Et ils n'ont donc pas trouvé donc de traces de Nigel Burgess sur ce bateau. Le radeau de survie n'était pas là. Et ils m'ont reporté que le bateau portait à ce moment-là un tourmentin et 3 raies dans la grand voile. Et qu'apparemment, il avait une voie d'eau sur l'avant puisque le bateau enfournait sur l'avant. On a aussitôt dirigé les recherches sur les deux autres balises de détresse, à savoir la balise Sarsat, qui a été retrouvée, elle, à 6h30 du matin, toute seule dans l'eau, donc à la dérive, sans personne autour. Et par contre, il y a 20 minutes, on a retrouvé le corps de Nigel Burgess, qui était dans sa combinaison de survie, avec la balise de détresse donc autour du cou, donc une balise Argos, grâce à laquelle on a pu le retrouver. Joints par radio, les autres navigateurs font part de leur émotion. Chacun d'eux commente ce drame à sa manière, avec la pudeur et la réserve dont font preuve d'habitude les marins. Mais tout de même, 2 morts alors que la course ne fait que commencer. Et encore, le bilan aurait pu être plus lourd. Le navigateur Jean-Yves Asselin racontera plus tard qu'au plus fort du coup de vent, son bateau, avec pour seule voile la trinquette à l'avant, avait chaviré, main dans l'eau, mais s'était redressé grâce à l'effet de la houle. De son côté, le skipper Thierry Arnaud affirmera que lors de la tempête, il doit son harnais de ne pas avoir été emporté par une déferlante hors de son bateau. Interrogé sur cette série d'accidents et d'avaries qui transforment l'aventure du Vendée Globe en cauchemar, le tenant du titre, le marin Titouan Lamazou, estime que cela pourrait s'expliquer en partie par un changement d'état d'esprit chez les navigateurs. L'idée de notre première course en 89, c'était d'abord d'arriver, donc on évitait au maximum la prise de risque, explique Lamazou. Aujourd'hui, poursuit-il, on a l'impression qu'on assiste à une régate dans laquelle, même face à un vent soufflant à plus de 50 nœuds, les premiers continuent de progresser le plus vite possible, comme si pour eux, perdre une heure dans un orage pouvait leur faire perdre la course. Samedi 28 novembre. À la mi-journée, le calme succède enfin à la tempête dans l'Atlantique Nord. Grâce à une option plus à l'ouest, Bertrand de Broc précède Alain Gauthier de quelques dizaines de milles. Les deux voiliers de tête se situent à moins de 900 km des îles Canaries. Mais la formation marquante, c'est le retour au sable de 7 des 14 concurrents de l'épreuve, donc la moitié. Parmi eux, Poupon, Parlier, Perron, oui, tous reviennent pour réparer leur bateau. Perron sera d'ailleurs contraint de renoncer à un nouveau départ, les réparations sur la coque demandant beaucoup trop de temps. Même cas de figure pour Thierry Arnaud, qui doit abandonner quelques heures après être reparti du port, victime de nouvelles avaries. Bilan provisoire de ce Vendée Globe 92, une semaine après son départ, 1 mort, 1 disparu et 2 abandons. Situation qui désormais inquiète le public, puisqu'il ne le passionne. Jeudi 10 décembre, au début de la nuit, Alain Gauthier, sur son monocoque bagage supérieur, franchit le premier l'équateur et entre dans une zone redoutée par les marins, le poteau noir. Frontière entre les deux hémisphères, cette zone est un vaste espace où la météo devient imprévisible. Même les pilotes d'avions de ligne s'en méfient. En l'espace de quelques heures, raconte-t-on Lamazou, on peut passer d'orages violents à une période de calme interminable pendant laquelle les voiliers sont scotchés sur un océan sans vent. Dans ce secteur de chaleur poisseuse, les organismes des marins sont mis à contribution. La tension est permanente, car le résultat de la course peut se jouer là. Cette année, les skippers n'ont pas le droit de demander l'assistance d'un météorologiste à terre. Ils doivent donc estimer et analyser la météo avec les seules informations dont ils disposent à bord. Si pour certains, le passage du Poteau Noir est un calvaire, pour d'autres, comme Jean-Luc Vandelède, c'est l'occasion de grignoter un peu de son retard sur le groupe de tête. Je ne crois pas avoir fait une mauvaise affaire, il faut que j'attende de voir ce que va donner Philo, mais je ne crois pas avoir fait une trop mauvaise affaire, après tout, c'est pas trop mal. J'ai perdu du terrain parce que j'ai quand même marché pendant un bon moment aux alentours de 4-5 nœuds, mais par contre j'ai jamais été scotché complètement, et j'ai toujours avancé un peu, ce qui explique que je suis remonté un petit peu sur ceux de devant, quoi. À la sortie du Poteau Noir, Alain Gauthier est en tête. 80 000 derrière, on trouve Bertrand de Brock, lui-même suivi par le Hongrois Nandorfa. Plus loin, Vandelède, Poupon, Parlier et consorts misent sur des conditions plus favorables et leur plus grande expérience dans l'hémisphère sud. Une autre aventure, et Dieu sait qu'elle est périlleuse. Il s'agit en voile du Vendée Globe Challenge, le tour du monde en solitaire et sans escale. Les premiers du classement ont, semble-t-il, laissé derrière eux ces drôles de compagnons que sont les icebergs. Mais le vent souffle maintenant très fort, entre 40 et 50 nœuds. Le point sur la course avec Christian Bex. Alain Gauthier, sur bagage supérieur, occupe toujours la tête, mais ses poursuivants sont en train de remonter sur lui. Bertrand de Brock, à bord de Groupe LG, est revenu à 370 000 au lieu de 520 il y a 48 heures. Et Philippe Poupon, troisième sur Fleury Michon, n'est plus qu'à 700 000 de Gauthier au lieu de 830 toujours il y a 48 heures. À plus de 2000 000 derrière eux, Yves Parlier sur Cacolac, qui entre à son tour dans la zone des icebergs, suscite l'inquiétude. Son radar, en effet, ne fonctionne plus. Samedi 9 janvier 93. Après plus d'un mois et demi de course, les 11 navigateurs du Vendée Globe encore dans la course poursuivent leur aventure entre les 40e rugissant et les 50e hurlant le long d'une ligne imaginaire qui leur fait contourner l'Antarctique. Cet endroit connu pour sa grisaille et ses bourrasques qui giflent les voiles, on le surnomme le pays de l'ombre. Ici, les dépressions se succèdent sans répit. La visibilité est souvent mauvaise, pire. Dans cette zone immense, située à l'écart de tout trafic maritime, nos navigateurs doivent redoubler de prudence. Autour d'eux, en effet, de nouveaux compagnons de route indétectables au radar menacent à tout moment de déchirer la coque des voiliers. eux, ce sont les icebergs, montagnes de glace hautes de plusieurs dizaines de mètres. Dans ce décor mouvementé aux couleurs lunaires, les vacations radio avec le PC de course se font plus rares. Alors, la solidarité prend le dessus sur la compétition. Quelques centaines de milles plus loin, une violente dépression s'abat sur les îles Kerguelen. Le monocoque groupe LG qui navigue dans la zone se retrouve brutalement aspiré dans le creux d'une vague gigantesque. Assis dans le cockpit, le skipper Bertrand de Brock devient un témoin impuissant. Son bateau dévale à une vitesse folle la pente d'eau, puis finit par se coucher sur le côté. Bertrand de Brock sort la tête du cockpit pour constater les dégâts. Et là, à cet instant, le bateau se redresse violemment. Avec la force du vent, la boom repart dans l'autre sens. L'écoute de grand voile se retend et fouette violemment le skipper sous son menton et son œil gauche. Sonnet, de Brock constate qu'il a du sang plein la bouche. Pire, il ne voit plus que d'un seul œil. Alors, en catastrophe, il se jette les drisses, il affale le foc, il offre la grande voile. Le bateau ralentit. De Brock enclenche ensuite le pilote automatique pour éviter que son bateau ne dérive. Puis le navigateur se réfugie dans le cockpit et contacte par Telex la direction de course. Lors du choc, il s'est coupé une partie de la langue. La blessure est profonde. À l'aide d'un chiffon, il tente d'arrêter le saignement et tapote comme il peut sur le clavier. Une heure plus tard, toujours grâce à l'écran et au clavier de son Telex, Bertrand de Brock reçoit les premières instructions du docteur Jean-Yves Chauve, médecin de la course. Sur France 2, un journaliste lit l'échange entre les deux hommes. Je l'ai engagé très fortement à réaliser l'opération tout seul. J'ai quand même, moi-même, avant de lui proposer ça, et réalisé moi-même l'intervention sans évidemment couper la langue avant, mais j'ai pris l'aiguille, j'ai essayé, je me suis mis devant la glace, et puis je me suis un petit peu piqué la langue pour voir si c'était vraiment douloureux, et puis pour voir si tout seul, effectivement, on pouvait le faire. Par la force des choses, De Brock le marin est devenu De Brock le chirurgien. Si sa langue reste douloureuse, au moins, elle ne saigne plus. Après une nuit agitée à cause de la houle, le lendemain matin, le navigateur ressort enfin la tête du cockpit. Et tout autour de lui, la mer est calme, d'huile. Il profite de cet instant pour se filmer avec sa caméra. Bah aujourd'hui, c'est pas la grande forme. Ouais, j'ai pris un pet d'hier dans la gueule. J'ai la langue recousue. Je me suis recousu la langue hier soir. J'ai pris un coup. Et avec mes dents, j'ai coupé la langue. Et voilà. J'ai du mal à parler ce matin alors qu'hier ça allait bien. Lundi 18 janvier, la série noire continue au PC de course du Vendée Globe. En cette fin de journée, le navigateur espagnol José Luis de Ugarte vient de déclencher sa balise de détresse. Dans une liaison radio à peine audible, le marin de 64 ans explique qu'il se trouve à quelques 900 milles au sud-ouest de l'Australie et il indique à Philippe Janteau que son monocoque a subi une importante voie d'eau pour des raisons inconnues. Enfin, il précise qu'il se tient prêt à abandonner son navire pour se réfugier dans son canot de sauvetage. Tout cela indique évidemment une situation dramatique. Alors, sans perdre une seconde, Janteau lance un appel à l'aide aux autres concurrents présents dans la zone. Deux d'entre eux, Yves Parlier et Bernard Gallet, se déroutent en catastrophe et partent porter secours aux marins espagnols. Une course contre la montre, cette fois, est lancée, mais vu la distance, il faudra au minimum 48 heures pour qu'ils rejoignent Ugarte. En mer, la solidarité entre marins prime toujours sur la compétition et tout autre enjeu commercial, comme le rappelle Philippe Janteau sur France Inter. C'est même pas une tradition, je dirais, c'est même une obligation en fait. Il y a des textes de loi qui disent clairement que c'est un devoir de porter assistance à une personne en mer quand on est en mesure de le faire. Donc chaque marin qui est en mesure de porter assistance à un autre marin a l'obligation de le faire sous peine de poursuite pour non-assistance à personne en danger. Donc ça, déjà, c'est un code de la mer. Et en plus, évidemment, il y a le code des marins, le code de l'honneur, la solidarité qui est effectivement de faire tout son possible pour porter assistance à quelqu'un qui le demande. « 24 heures plus tard, nouveau message du skipper espagnol. Cette fois, il s'agit d'une bonne nouvelle. Ugarte a réussi à localiser, colmater la brèche dans la coque de son navire. Il reprend donc sa route. Fausse alerte donc, mais au PC course, les mines restent graves. Après plus de 2 mois et demi de navigation, Alain Gauthier, le premier à se présenter face aux montagnes sombres et aux eaux tourmentées du Cap Horn. Ultime bande de terre située sur la pointe sud du continent américain, c'est un passage décisif avant la remontée de l'Atlantique. À la fois technique et dangereux, l'endroit a mauvaise réputation pour tous les marins. Ici s'engouffrent les vents d'ouest dominants, détournés par la cordillère des Andes, et surtout la grosse houle formée à l'est vient buter sur le bateau continental, créant une mer hachée, incertaine. La prudence est donc de mise. Derrière, un peu plus de 370 000, Philippe Poupon continue sa fantastique remontée. Rentré au Sable d'Olonne après la tempête rencontrée dans le golfe de Gascogne et reparti avec 4 jours de retard sur Gauthier, le skipper de Fleury Michon réalise une navigation sans faute. Il pousse son voilier au maximum afin de grappiller mille après mille l'écart qui le sépare du leader. 6e du premier Vendée Globe 3 ans plus tôt, Alain Gauthier sait qu'il peut aller chercher la victoire cette année. Fin stratège, il opte alors pour un compromis entre vitesse et sécurité. Avec Poupon en embuscade, la remontée de l'Atlantique s'annonce décisive. De mars 93, océan Atlantique, il est un peu plus de 17h. Sur le monocoque d'Alain Gauthier flotte un parfum de crainte et d'excitation. Après avoir passé l'anticyclone de Sainte-Hélène et le poteau noir, deux zones très difficiles qui l'ont condamné à des manœuvres incessantes dans des vents très instables, le skipper de bagages supérieurs attend frénétiquement les derniers relevés de position transmis par la direction de la course. Alors le navigateur s'interroge. A-t-il réussi à conserver son avance ou s'est-il fait rattraper par son dauphin Philippe Poupon? Dans le cockpit, le Telex tant attendu arrive enfin et le classement que découvre Gauthier est surprenant. Non seulement il est toujours en tête de la course, mais il a fait grimper son avance à plus de 900 000 nautiques. Autrement dit, à moins d'une erreur, d'une casse ou d'une avarie, il devrait passer la ligne d'arrivée en tête. Joint à la radio par un avion de la Marine nationale, il témoigne de son état d'esprit à bord après 16 semaines de solitude. Maintenant, j'ai quand même 900 000 d'avance sur Philou, sur Fleury Michon. Donc au niveau classement, sauf incident, bien sûr, j'essaye de ménager un peu le bateau quand même. Donc sauf incident, je suis assuré de la première place. Donc j'essaye de profiter de ces derniers moments de solitude et puis de tranquillité, de sérénité. On appréhende toujours un petit peu de retrouver les siens, la famille et puis un petit peu les contraintes que la vie terrienne impose. Vendredi 12 mars 93, après 110 jours de course, Alain Gauthier se lance dans un dernier sprint pour rejoindre les Sables d'Olonne. Selon les prévisions, le skipper doit franchir la ligne d'arrivée dans l'après-midi. La veille, Philippe Poupon, dernier concurrent encore capable de le rattraper, a dématé au large des Canaries. À tout juste 30 ans, le navigateur l'orienté file donc à plus de 20 nœuds vers la victoire. À la barre de son petit catch de 18 mètres à 2 mâts de dernière génération, il s'apprête à accomplir un rêve d'enfant. Certes, il ne battra pas le record du premier vainqueur de l'épreuve, Titouan Lamazou, mais une victoire dans un Vendée Globe reste, quoi qu'il en soit, un exploit, un must pour tout navigateur. Au fur et à mesure qu'Alain Gauthier se rapproche des côtes vendéennes, une multitude de petits bateaux commence à l'escorter. Sur la jetée, les plages des Sables d'Olonne, plusieurs milliers de personnes l'attendent déjà. À 16h22, au son des cornes de brume et dans l'épaisse traînée des fumigènes rouges, le monocoque d'Alain Gauthier entre dans le port de Lona. L'émotion de cette victoire en ferait presque oublier les drames qui se sont déroulés tout au long de cette course. 6 jours plus tard, ce sera au tour du second, Jean-Luc Vandelède, de passer la ligne d'arrivée. Derrière lui, Philippe Poupon termine 3e. 7e et dernier participant encore en course, Jean-Yves Asselin arrivera 43 jours plus tard. Voilà, l'aventure du Vendée Globe 92-93 se termine. Certains en garderont le souvenir impérissable d'une folle aventure, d'autres les séquelles morales, voire physiques, d'une série de drames. Ce qui, bien sûr, Bien sûr, on ajoute au mythe de la course des courses à la voile le Vendée Globe. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Vendée Globe 92-93. Notre invité, le docteur Jean-Yves Chauve. Bonjour. Bonjour. Médecin de la course du Vendée Globe depuis la première édition en 1989. Vous avez vécu évidemment cette édition 92-93 au cœur du PC Course. Je signale que vous exprimez des studios de France Bleu Loire-Océan à Nantes. Studio et France Bleu Loire-Océan que nous remercions pour son accueil. Alors, vous êtes vous-même marin. Comment pourriez-vous nous décrire, parce que je pourrais rappeler l'accidentologie à bord des bateaux de course engagés sur le Vendée Globe. D'autres aussi d'ailleurs, mais enfin, le Vendée Globe. Quels sont les accidents qu'on retrouve le plus et quels sont potentiellement les plus grands dangers? Bah, si vous voulez, un bateau, on n'imagine pas, hein, mais un bateau, ça peut foncer à 60 km/h sur l'eau. Donc, ça dévale des vagues à 60 km/h. Alors, il faut imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que les vagues passent par-dessus le bateau. Ça veut dire que ça envahit l'arrière, le cockpit, que les gars sont trempés. Ça veut dire aussi qu'il y a des chocs très violents. Ça veut dire qu'il y a des bruits extrêmement forts. On a fait des mesures de bruit sur des bateaux à plus de 120 décibels. C'est vraiment colossal. Et malgré tout, dans ces conditions, il faut pouvoir récupérer et dormir. Et c'est une des difficultés de la course au large. Et évidemment, si on n'est pas vigilant, si on n'anticipe pas les mouvements du bateau parce qu'on est fatigué, eh bien on va prendre des risques. Et puis, on va pouvoir être projeté en avant au moment où le bateau va ralentir, parce qu'on a parfois des décélérations instantanées quand le bateau va buter sur une vague de 30 km/h. Imaginez, je sais pas, rentrer dans un mur à 30 km/h, bah on se fait mal. Et bah sur un bateau, on peut se faire extrêmement mal. Donc c'est cette traumatologie qui est quand même le risque le plus important. J'imagine que les skippers, qui sont de vrais sportifs, et vous le confirmez là, en racontant tout ce qui peut leur arriver, se préparent comme des sportifs, parce que ce sont des sportifs. Avant une course, vous préconisez, j'imagine, les médecins, une vraie préparation physique, comment ça se passe ? Ah oui, ce sont des choses qui sont devenues maintenant obligatoires, alors qu'avant, bon, il y a eu une grosse évolution, on en parlera sûrement, mais en 20 ans, 30 ans, on a assisté à une grande évolution, et c'est vrai que les skippers maintenant se préparent physiquement, parce que la difficulté sur un bateau, on l'imagine pas, mais c'est que c'est un sport de sédentaire. Alors je vais peut-être faire bondir les gens en disant ça, mais c'est vrai que sur un bateau, finalement, l'espace pour se déplacer, il est faible, on va de l'avant à l'arrière, mais ça représente quoi, 15 mètres au maximum, et puis finalement, comme ça bouge beaucoup, ben la station debout est une station, on est en constant déséquilibre, donc on est beaucoup assis simplement pour s'économiser sur un plan neurologique, sur un plan de la charge nerveuse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a souvent une fonte musculaire, on l'a constaté, il y a même eu des études qui ont été faites très précises là-dessus, c'est-à-dire qu'on a une fonte musculaire des membres inférieurs, des jambes, et puis on a au contraire un développement des épaules, parce que c'est avec les épaules, quand on tourne les winches, qu'on fait avancer le bateau, donc là, effectivement, sur un plan musculaire, ça se développe pas mal. Donc, si vous voyez, il y a déséquilibre, et ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on prend en jeu maintenant dans la préparation et dans le suivi pour justement ne pas avoir cette déperdition tout au long de la course. Il y a quelque chose qui nous frappe toujours, c'est le sommeil, le temps de sommeil et ces sommeils en tranches, en petites tranches. Comment on gère ça? Ça paraît vraiment terrible. Oui, alors tout à fait. Moi, c'est une. On a fait les premières études en 93, où on a mis carrément des électrodes sur la tête des skippers. On a enregistré leur sommeil, pas leur pensée, hein, mais uniquement leur sommeil. Et on s'est rendu compte que finalement, ils avaient trouvé un système de récupération par période de 20 minutes. Et puis, on s'est aperçu à ce moment-là que il y avait des études qui avaient été faites par des scientifiques et qui montraient que les premiers êtres humains, qui étaient dans des conditions de stress un peu différentes, parce qu'il y avait des prédateurs autour d'eux. Là, les prédateurs, c'était plus les autres bateaux, voire les icebergs dans le sud, et bien finalement, avaient adopté des périodes de sommeil courtes, alors pas de 20 minutes, mais d'une heure et demie, et finalement, ces périodes d'une heure et demie séparées par des périodes de veille, c'est aussi ce qu'adoptent les skippers quand ils sont dans des conditions moins extrêmes, où là, ils peuvent récupérer. En général, d'ailleurs, ils font trois périodes d'une heure et demie à peu près par jour, réparties dans la journée pour pouvoir récupérer. Et puis, finalement, si les conditions l'exigent, et bien à ce moment-là, on arrive encore à concentrer ce sommeil sur une période de 20 minutes. Alors je vous pose des questions de béotien, je ne suis jamais monté sur un bateau de ce genre et j'imagine que beaucoup de ceux qui nous écoutent n'ont jamais vécu cette expérience, d'où ces questions-là. La solitude, comment ça se gère ? Alors effectivement, la solitude. Bah, vous savez, je me demande en même temps si ceux qui partent, je pense à l'exemple de Jean-Luc Vandenhead qui est en train de faire un tour du monde sur un bateau à l'ancienne un peu, si finalement c'est pas aussi un petit peu ce qu'on va chercher. C'est-à-dire que je dis souvent que finalement la course au large c'est aussi un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension de se dire, bah finalement je vais m'isoler un peu du monde et puis je vais penser à moi, je vais vivre avec moi-même dans un monde qui est vivant, dans un monde où je peux être en contact avec la nature, où je peux être en contact avec la météo. Me donner une dimension, pas cosmique, mais au moins une dimension différente de celle que je peux vivre à terre, où là, je subis des agressions en permanence. Là, sur mon bateau, finalement, c'est aussi un espace de liberté, même si c'est un espace de solitude. C'est d'ailleurs souvent ce qu'ils nous répondent hein, quand on leur dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous fait courir? Vous n'êtes pas masochiste, évidemment, vous aimez ça si vous le faites, mais qu'est-ce qui vous fait courir? Donc c'est ça, cette sorte de dimension de la solitude à trouver comme ça, seul au milieu de l'océan, ça vous paraît la motivation première dans l'esprit des marins, c'est ça? Je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. On est passé de l'aventure humaine, qui était finalement un peu le thème des premières éditions. On allait chercher quelque chose là-bas, dans les quarantaines rougissantes, de ce côté un petit peu mythique de l'iceberg qu'on va aller côtoyer. Et puis, ça a évolué vers ce qu'on appelle un sport mécanique. Et maintenant, les skippers, effectivement, sont beaucoup plus des ingénieurs. Et ils ont tellement de choses à gérer sur leur bateau. Il faut qu'ils sachent tout faire. C'est ça qu'on se rend pas compte, mais quelqu'un qui est tout seul sur un bateau, il doit être autonome et il doit savoir gérer évidemment la météo, mais il doit aussi être électricien, il doit être, s'il y a une panne électrique, il faut qu'il la répare, mécanicien pour réparer le moteur, ah oui. Informaticien, il doit être son propre entraîneur, parce qu'il y a personne qui va lui dire à quel moment il doit dormir, il va être aussi son propre soigneur, si jamais il doit se rendre coup de la langue, et puis il doit aussi être maintenant, en plus, on leur demande d'être scénariste, metteur en scène, caméraman et acteur, parce que aussi on leur demande de faire de la communication. Donc c'est finalement des gens qui ont une charge de travail qui est complètement énorme, et c'est un peu la différence avec avant où on pouvait être un peu contemplatif sur les bateaux. Maintenant, quand on fait le tour du monde, on n'a plus vraiment le temps d'être contemplatif. Et évidemment, je ne sais pas si vous allez émettre un jugement là-dessus, mais ça vous paraît souhaitable cette évolution-là? Est-ce que ça a trahi l'esprit pionnier un peu, beaucoup? Ou pas du tout? Moi, si vous voulez, moi, je suis, voilà, moi, j'ai vécu, moi, je navigue, donc, quand je navigue, je suis, justement, c'est ce que je vais chercher, c'est-à-dire le contact avec cette nature qui est encore intacte, hein, même si, effectivement, on constate de la pollution tous les jours quand on regarde la mer, hein. Mais si vous voulez, c'est cette dimension-là maintenant, et maintenant, ce qu'on attend, c'est des victoires. Mais en même temps, je me demande si le grand public, finalement, est pas aussi en attente de ces parcours un peu particuliers, finalement, que les gens leur racontent un univers où ils n'iront jamais. Il ne faut pas oublier que la mer, c'est 70% de la surface de la Terre et finalement, personne n'y va jamais, sauf eux qui, en plus, ont la possibilité de pouvoir raconter ce que c'est la mer à des gens qui attendent que ça. Et parfois, les discours sont un petit peu trop techniques, je trouve, pour justement pouvoir encore que le grand public y adhère. C'est peut-être d'ailleurs l'un des seuls sports où, finalement, le podium n'est pas plus important que la démarche, que le geste, finalement. Pour les gens. Oui, bien sûr. Les gens qui sait pas, on n'a pas besoin d'être premier finalement pour raconter une belle histoire. Ce qui est rare dans un sport. Sur... Oui, tout à fait. Et parce que aussi il y a cette dimension solitaire, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont trouver leur héros, mais ça sera pas forcément le premier. D'abord, ça peut être une femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui vont finalement se dire, waouh, comment cette fille, elle arrive à faire ce qu'elle fait. Donc il y a déjà quand les femmes courent, ce que j'espère qui va se passer dans la prochaine édition, eh bien finalement déjà il y a une partie de la population qui va peut-être plus facilement adhérer. Et puis en même temps, on a des profils différents avec des gens qui pendant 3 mois vont un peu se livrer et finalement chacun va peut-être trouver son champion mais ce ne sera pas forcément le premier. Alors justement, et là ça, c'est le cas pour ce Vendée Globe 92-93 parce qu'il y a le premier évidemment, bravo à lui, mais le nom qu'on retient surtout c'est celui de Bertrand de Brock pour cet exploit chirurgical qu'il a réussi sur lui-même. On va l'écouter, tiens, on va écouter ce qu'il en disait après en 2006. Moi, je l'ai fait 92. 92, c'était un échec en arrière en Nouvelle-Zélande. Et 15 jours avant, je me suis coupé la langue, recousu. Et voilà, c'était en janvier 93. Donc depuis, voilà, il m'est arrivé mes aventures, un chavirage à 24 heures de l'arrivée. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il ne peut plus m'arriver grand-chose d'aussi dramatique. La communication était beaucoup plus compliquée parce qu'on communiquait que par téléx, il fallait être patient, voilà, téléphone, il n'y avait pas de téléphone par satellite. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, voilà, on a un problème technique, on téléphone, on essaye de boucler le dossier le plus vite possible parce qu'on est en course. Donc en fait, tout doit être très très rapide. On appelle son équipe à terre, machin. Donc voilà, aujourd'hui c'est extrêmement rapide. Il y a des gens qui sont préparés à terre pour ce genre de choses. Depuis 20 ans que la course existe, il y a toujours eu une belle pharmacie sur les bateaux. On a toujours été aussi bien équipés en matériel là, sur les bateaux. Il y avait des téléphones, des machins. On avait de quoi se trancher un doigt, se le refaire. C'est la seule chose qui a changé, c'est la rapidité des choses. Parce qu'aujourd'hui, on peut filmer, on peut envoyer des images. Là, il fallait que je décrive les choses avec une radio. Bon, Bertrand de Brock ne s'apitoie pas sur son sort. J'avais chaud, mais enfin quand même, c'était... Comment vous avez vécu, vous, cette histoire de la langue, quand il se recoue la langue sur... D'abord, c'est extrêmement douloureux. Vous étiez avec lui par communication satellite, vous l'avez soutenu. Comment ça s'est passé, cet épisode-là? Écoutez, moi, j'étais chez moi à Guérande et j'ai vu sortir une feuille de papier avec un texte où il disait je me suis coupé la langue, ça a beaucoup saigné, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc quand moi, je me suis tout de suite, j'ai tout de suite imaginé dans quelles conditions il était. Je savais que c'était, par exemple, la tombée de la nuit. Je savais qu'à bord, il y avait une vague glace qui était accrochée à, vous savez, les glaces en plastique qu'on accroche là à un clou dans une pièce pour se raser rapidement. Et donc, je savais qu'il était dans des conditions quand même compliquées et que il y avait personne évidemment autour de lui. Donc, il faut réagir vite, il faut trouver les bonnes solutions. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais mis, puisque les skippers n'avaient pas de formation médicale, donc j'avais mis dans sa trousse des aiguilles droites. D'habitude, on utilise toujours des aiguilles courbes avec une pince qu'on appelle un porte-aiguille pour pouvoir faire ressortir l'aiguille. Puis je m'étais dit, mais c'est un geste trop technique, il ne saura jamais le faire. Donc j'ai mis des aiguilles comme des aiguilles à voile finalement. Et il s'est recousu l'homme comme il aurait recousu sa voile. Donc ça paraît incroyable, mais ça s'est passé comme ça. Et puis moi, avant, j'ai simulé l'intervention pour être sûr que j'oubliais rien et je lui ai décrit l'intervention mot à mot sur un texte. Telex qu'il a reçu et qu'il a mis 20 minutes avant de l'avoir. Et je peux vous dire que les deux heures où j'ai attendu sa réponse, puisqu'il a fait l'intervention, ça dure à peu près deux heures, c'était deux heures assez longues, parce que je ne savais pas du tout s'il avait réussi à faire les choses comme il fallait, quoi. Qu'emportent-ils les marins comme ça quand ils partent pour une course autour du monde? C'est quoi la pharmacie? Parce qu'on pourrait se dire, bon, on prend vraiment le nécessaire du nécessaire, mais c'était peut-être déjà beaucoup de matériel, non? C'est quoi? Oui, c'est déjà une centaine de produits, hein, pratiquement, hein, parce que ça va des produits de la traumatologie, ça peut aller aussi avec des antibiotiques, par exemple, parce que même si maintenant, par exemple, ce qu'on fait avant le départ sur le Vendée Globe, on aseptise les bateaux, on les transforme en salle d'opération, c'est-à-dire qu'on essaye d'éliminer tous les microbes qui peuvent venir à bord. Donc les bateaux sont interdits de visite les trois jours avant le départ et les bateaux sont aseptisés pour que le skipper parte avec ses propres microbes, ses propres virus, mais finalement soit pas contaminé. Et que la contamination ne vienne pas les envahir quand ils sont rendus à l'équateur ou dans le sud. Bon, là, il y a aussi les blessures psychologiques. Parfois, c'est vraiment très dur. Alors, on l'a vu dans le récit, vous savez, hein, l'un des points marquants de cette course du Vendée Globe, c'est le passage du Cap Horn. Alors, pourquoi est-il autant redouté par les marins, ce Cap Horn? Ben finalement, je pense que vous savez ce que les skippers vont chercher dans cette course, c'est les grandes glissades du sud. Ces grandes glissades avec des mers qu'on connaît pas ici, avec des vents qui sont plus difficiles, parce que il y a une chose qu'on oublie, c'est que dans le sud il fait froid, donc la densité de l'air est plus forte, donc à vitesse de vent égale, le vent a plus de puissance. Et donc tout ce qu'ils vont chercher, c'est ça, c'est-à-dire c'est un peu leur graal, c'est un peu l'aboutissement souvent d'une carrière de marin, en disant je vais aller affronter le Cap Horn comme on va monter au de l'Everest. Et puis finalement il faut en redescendre, et la redescente elle est pas simple, parce qu'une fois qu'on a tourné à gauche après le Cap Horn, eh bien on remonte l'Atlantique, et là c'est encore un tiers de la route, le bateau est fatigué, l'organisme est fatigué, puis il n'y a plus aussi cette quête de cet exploit suprême, et finalement en plus les conditions météo sont dures, parce que les bateaux avancent contre le vent, il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène, il faut avancer contre le vent, donc le bateau ralentit, le bateau tape dans les vagues, c'est long, c'est dur, c'est épuisant, et je pense que là il y a une forme un peu de dépression, parce que aussi on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour monter plus haut que l'Everest? Voilà, c'est un peu ça la difficulté, c'est comment ensuite je vais pouvoir continuer à vivre ma carrière de marin en n'ayant plus un objectif aussi élevé que celui-là. On parlait du sommeil tout à l'heure, on est passé un peu vite. Comment, ou besoin peut-être encore plus de précision, comment on peut gérer le sommeil de façon la plus efficace quand on est dans une aventure comme celle-là? Alors, je pense déjà que les skippers finalement apprennent à. Je dis souvent que ce sont des dormeurs de haut niveau, dans la mesure où ça fait vraiment partie de leur performance. C'est très rare que finalement il y a peu de disciplines où finalement la récupération est un élément de la performance. En général, quand on fait un sport, on fait son exploit, puis après on va à l'hôtel, on dort. Mais bon. Finalement, je veux dire, qu'on dorme une heure ou deux heures, ça change pas grand-chose. Là, finalement, le fait de dormir le moins possible, tout en récupérant un maximum de vigilance, c'est vraiment l'adéquation indispensable. Et ça, il faut passer du temps, il faut apprendre à se connaître. C'est aussi une connaissance de soi qu'on acquiert beaucoup en faisant des courses comme la solitaire du Figaro, par exemple, où ce sont des courses qui sont très dures, très justement dans la gestion du sommeil. Et puis, on apprend à trouver les bonnes périodes, on apprend à savoir à quel moment on est prédisposé à dormir. Et quand on s'endort à ce moment-là, bien évidemment, on va récupérer beaucoup plus vite parce que il y a une sorte d'accord entre son esprit et sa physiologie. Ensuite, il y a une expression qui devient alors pour le coup réalité, retour sur terre. Comment ça se passe quand on a vécu tant de choses en solitaire avec la mer comme seul environnement et compagnon, on se retrouve sur terre avec les hommes, avec la société. Ça se passe toujours bien ou parfois c'est compliqué? Je crois qu'il y a une transition, il y a un choc finalement. Vous savez, quand comme vous le disiez, quand on franchit les jetées de Port-Olona, finalement, ben, tout devient différent. C'est-à-dire qu'on quitte un univers avec lequel on était en symbiose pour en retrouver un autre où là, ben voilà, il faut maintenant rendre des comptes à son sponsor, rendre des comptes aux médias. Et finalement, c'est pas toujours très facile, effectivement. Et puis, il y a aussi ce problème que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers êtres humains pouvaient dormir par période d'une heure et demie. Et bien finalement, l'adaptation se fait très facilement à ces rythmes de sommeil, ce qu'on appelle polyphasique, c'est-à-dire heure et demie de sommeil par heure et demie de sommeil, séparés par des phases d'éveil. Oui. Et parfois, certains skippers vont mettre un mois ou deux à récupérer un sommeil dit sommeil de l'homme moderne. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. On aurait bien continué à parler de tout cela. C'est passionnant, mais l'heure, c'est l'heure. Merci, docteur Jean-Yves Chauve. Je rappelle que vous êtes médecin de la course du Vendée Globe depuis sa première édition en 1989. Donc, au revoir et à bientôt, peut-être. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Vendée Globe, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles et site de France Inter, bien sûr, pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Tristan Gratelon qui était à la technique aujourd'hui.